Même si je sais où tu es, je compose ton numéro. On échange quelques mots, pas le temps de se parler. Même si tu es loin d'ici, c'est comme si j'étais chez toi. On est tellement à l'étroit. Me reste, je fais toujours le même geste et je laisse faire le hasard. Tu peux venir si tu veux, si tu veux me toucher, pas la peine de demander, pas la peine d'un mot de passe. Tu regardes autour de toi et je devine ton sourire. J'entends le son de ta voix et j'entends quand tu respires. Quand tu respires, quand tu respires, quand tu respires. Pas besoin de numéro, je te dirai quelques mots si je sais encore parler. Et on essaiera l'air de rien, et si c'est encore possible, de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose.